Lexion Productions, go ahead, sue us. Magnifique et extrémiste, qu'il est beau, qu'il est triste, qu'il est gore, qu'il est pessimiste. On se réveille avec la merde aux pieds, avec la haine en fait, histoire de vous dire qu'on n'a pas fini la guerre. Est-il vrai qu'on a droit à une seconde chance de survie? Tous se savent qu'il n'y a plus d'issue, qu'on a tous une vie. Misérable est le chapitre de cette ville que je te raconte. Au fil du temps on s'enfonce, qu'on suit tous la pente. Je me réveille en bleu car mon cauchemar était féerique. Pris dans la matrice de la mort, on connaît tous le générique. On me dit, on est tous dans la même merde, je veux bien y croire. Mais quand je sais qu'il y a le paradis, je voudrais y voir. Entre quatre murs et les portes, définis-moi ce rêve noir. La torture m'a enchaîné car j'aime quand il me dit crève sale noire. J'aime me faire mal pour montrer que j'appartiens à ce monde. Et l'angoisse me tend pression à chaque seconde. Pas un mot, ni de travers, ni de gestes simples. Au moindre mouvement, je me prends une rafale sans fin. Je me promène un soir d'hiver sur les blocs de neige. À croire qu'ici-bas, la loi n'est pas là, ni la présence du maître. Merde, je me demande pourquoi ici, ça ne me parle pas. J'aime ce monde et la voix m'a crié « barre-toi ». Plongé dans la souffrance et le martyr, je me sens incompris. Je me fais petit car je m'aperçois que je n'ai rien compris. C'est peut-être mon état qui m'a fait devenir une merde. Dans l'irréel, je m'aperçois qu'il se fait tard, je rentre en enfer. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, pourtant je suis dedans. J'ai beau crier pour me faire entendre, je n'ai plus de sang. Quand je dors, je ne dors plus, je ne vis plus dans le bonheur. Je prie tous les jours car j'attends avec impatience mon heure. Je me sentirai bien quand je serai pendu au cou. Je vis de larmes et de violence, je vais finir au trou. Hitler était le proprio de ce qu'on appelle la chambre froide. Prisonnier dans une tombe qu'on appelle la chambre noire. Alors je me dis que tout va bien mais tout va mal et je ne le vois pas. Et j'imagine pas ce que diront les gens quand je ne serai pas là. Possédé par le vide, je vois le bonheur serré dans mes bras. Et je m'effondre coloré de sang en perdant mes droits. Les yeux ouverts, je vous regarde une dernière fois. Mon cœur a lâché pour ne plus être là. All the wonders now.